Bien le bonjour, monsieur le curé. C'est toi, Bénézet. Bien le bonjour. Et quelle importante affaire t'amène? Importante, oui, monsieur le curé. J'en perds le manger le boire. Vous connaissez le changement? Damas est pauvre, je suis riche. Et tu as peur qu'une fois là-haut, tout comme tu l'avais choisi, Damas te choisisse pour âne. Dame, toi-même le disais, à chacun son tour, c'est justice. Tu te reposes maintenant et le bas ne t'écorche plus. Préférerais-tu redevenir pauvre? Pauvre, non, pas précisément. Mais je me suis vu âne en rêve et je n'ai pu me faire l'idée d'être nourri pendant l'éternité par Damas ou par un autre de coups de trique et de chardon. Rien que de penser à ces chardons, bâtard de sort, la langue me pèle. Le curé s'était mis à rire. Sois bon riche pendant que tu vis, partage avec les malheureux, et Dieu, dans son infinie bonté, t'épargnera les coups de trique. Quant au chardon, rassure-toi, là-haut, tout est délicieux. Il n'y a pas sur terre plein d'évêques qui vaille pour la succulence un chardon broudé dans le ciel. Depuis, Bénézet vécut tranquille et ne craignit plus de rencontrer Damas. C'est ainsi qu'au siècle d'ingénuité, l'Église, subtile et prudente, avait des baumes pour toutes les plaies et savait, moyennant quelques inventions innocentes, maintenir l'éternelle paix entre les pauvres et les riches. Excellente façon de résoudre la question sociale. D'aucuns rêvent d'en essayer encore. Leurs illusions sont respectables. Mais voilà, il faudrait la foi.